Y'a égal j'ai Bramsou. Y'a PDF mon coin et RG mon crew. Y'a si, c'est ça. Le poil des haineux. Anti-fils de ça va être du 6-2. Ok. Y'a j'ai pas grandi avec piscine, ma côté l'odeur de puce. Ma mère sa vie c'est la cuisine. Et pour tout dire elle gagne même pas le SMIC. Elle qui croyait me voir en tant que bachelier. Je me suis noyé dans le désespoir, la rue a fait de moi un chevalier. J'ai fait partie des gens qui ont jeté carte. Mais mon poteau j'ai pris le mic pour pas finir dans un placard. On traîne en panne, on t'a débat. Pour le cri des balles, ta tête dans le son cap. On vient de chez K avant que quelqu'un débarque. Musique de rue est conseillée au 100% scalade. Sur l'esplanade qui prête certaines maisons pour un mur d'escalade. Tu sens malade pour la smala avec poteau sous bras. Ça fait flipper comme un gars devant toi avec calage sous le bras. On voit que le beat écrase des piles et puis le flow des piles. C'est comme Nespi, on est venu rapper la mélodie des briques. Je suis pas diable, je ne fais pas de la poulette. Mais je reste égagé, celui qui crache sur les poulets. 2007 frère, c'est le bal des haineux. Des bâches vénéneux, pleines de haine dans les veines. On traîne et s'engraine dans le mal. On coule dans la mer comme un chien dans la mare. 2007 frère, c'est le bal des haineux. Des bâches vénéneux, pleines de haine dans les veines. On traîne et s'engraine dans le mal. On coule dans la mer comme un chien dans la mare. La délinquance est au sommet, la violence n'a pas sommeil. Pendant que mes haines sont consommées, je vois des morts dans le sommaire. C'est la rue qui prend place, que tout le monde se mette à plat. J'avertis qu'il y aura la casse, y'a pas de plainte si t'as un plat. Les honnards sont cagoulés, veulent une partie des convoyeurs. Si la police prend des canettes, je fais partie des envoyeurs. On nous fouille avec des claques, les contrôles sont délicats. La haine est dans les packs, en 2007 faut que ça éclate. Je parle pas des innocents, encore moins de violence gratuite. Je te parle des suspects, qui ont rendu des jeunes martyrs. Des bleus pour les cowboys, pensant qu'on est cobayes. Mais si ça continue, dans peu de temps on va combattre. Ils veulent nous mettre dans les cachots, pendant que les points dans son cachet. Ils font des blagues sur nos dos, et leur logo est un karcher. Le béton est armé, c'est le magasin des munitions. Si tu provoques la rue, elle te mettra les punitions. 2007 frère, c'est le bal des haineux. Des bâches vénéneux, pleines de haine dans les veines. On traîne et s'engraine dans le mal. On coule dans la mer comme un chien dans la mare. 2007 frère, c'est le bal des haineux. Des bâches vénéneux, pleines de haine dans les veines. On traîne et s'engraine dans le mal. On coule dans la mer comme un chien dans la mare. Ici c'est négro, Sénégal, ok mais des calots. Je brame sous armée d'un micro et d'un calot. Pour l'état, une dose bas, égal j'ai faux grosse barre. Marginal jusqu'au coup de leur loi, un abat. J'ai passé mes étapes à bicrave dans la street. À braquer pour le fric, pour nourrir mon Afrique. Quand le navire a coulé, je suis parti en zombie. Je voulais être ce gangster qui bâtit son empire. J'ai commencé par le franc, je continue par l'euro. L'argent sale, les petits frères n'a pas fait de moi un héros. Trop de risques dans le ring qu'on appelle la Algérie. On peint des noirs qui volent aux riches avec de la haine. J'ai le feeling d'Albator pour péter ces bâtards de porc qui voudraient me voir mourir Alcatraz. Tu veux le blaser Brahms, mon emblème c'est une galache. Tout le monde reste à terre, celui qui bouge mec je canard. 2007 frère, c'est le bal des haineux. Des bâches vénéneux, pleines de haine dans les veines. On traîne et s'engraine dans le mal. On coule dans la mer